Oh. Très heureux d'accueillir Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport, pour parler un peu d'une histoire que je voulais savoir un peu, qu'il m'explique. Comment se fait-il qu'une organisation comme les Leafs de Toronto et les Red Sox de Boston, les Cubs de Chicago, sont des équipes sportives qui ont des réputations de losers? Évidemment, les Red Sox et les Cubs ne l'ont plus parce qu'ils ont gagné, mais ils ont été pendant plusieurs années, voire une centaine d'années, ils ont eu cette réputation-là. Bonjour Sylvain. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va bien. Merci encore. Hein. Je vais te dire, on a fait l'enregistrement hier. Il y a eu des problèmes techniques. Il a fallu recommencer. Merci. Je suis content. Il doit être très, très limité. Donc, merci de reprendre encore ça. C'est très, très apprécié. Ça me fait plaisir. Sylvain, avant de commencer, je voudrais que tu expliques, docteur en psychologie du sport, ça veut dire quoi? C'est quoi? Comparativement à un docteur général, genre, est-ce que toi, t'es-tu un docteur général? As-tu un cabinet? Comment ça marche en fait? Ouais, ben c'est une bonne question que tu poses. Souvent, les gens sont un peu, ben c'est un peu mélangeant pour des gens qui sont pas dans le monde académique. Ouais. Je t'explique. Quand on fait un bac, on Ouais. fait un premier cours là, qu'on appelle de première, ça s'appelle premier cycle. OK. Ensuite, on fait un deuxième cycle qui est une maîtrise. OK. Et les gens peuvent faire un troisième cycle qui s'appelle le doctorat. OK. Doctorat, c'est souvent ce qu'on appelle un PhD. C'est Ouais. un doctorat en philosophie de la matière dans laquelle on est. C'est philosophy of doctorate, puis ça veut dire ça que la personne va faire une thèse, puis va souvent défendre sa thèse devant des pairs, puis elle a OK. amené une contribution à son domaine. Donc, ici au Québec, on dit Sylvain Guimond, docteur des. En fait, le mot docteur vient à la fin. Ouais. C'est un doctorat dans tel ou tel domaine. Il y a des docteurs dans tous les domaines. Il y a une troisième, il y a en fait un troisième cycle d'études que les gens vont faire, puis ils vont écrire une thèse habituellement ou une dissertation qu'ils vont défendre devant un comité OK. avant de recevoir leur diplôme. Donc, tandis que les médecins, qu'on va appeler souvent docteurs, Ouais. eux vont faire un doctorat de premier cycle sur lequel, à la fin de leurs études, après qu'ils aient fait leur résidence plus que 4 ans, ben, vont porter le titre de docteur aussi. Un peu comme les avocats qui vont souvent porter le titre OK. de maître après avoir fait leurs études puis passer l'examen du barreau, ont ce titre-là. C'est un titre protégé par le Collège des médecins. C'est pour ça que les gens vont dire docteur Champigny, MD, ou Ouais. bon, mais c'est à ce moment-là, ce doctorat-là, il est pour la médecine. Nous, OK. le doctorat qu'on a, c'est un doctorat précis dans un champ d'application. Comme moi, c'était en psychologie, spécialisé en psychologie du sport. OK. Mais est-ce que toi, tu es le plus réputé au Québec parce que tu as écrit plusieurs livres, tu es à RDS, tu étais consultant pour le Canadien. Mais des Sylvain Guimond en médecine du sport au Québec, y en a-tu beaucoup? C'est pas en médecine du Ouais, sport. en psychologie du sport, excuse-moi. Il y en a quelques-uns. OK. On n'est pas très nombreux. Il y a des gens qui vont faire une maîtrise. Il y a des gens qui vont être dans le domaine de la psychologie du sport à différents niveaux. Mais non, il n'y en a pas énormément au Québec. Parce qu'il n'y a pas gros de club. Le Canadien, c'est probablement ton plus gros. Ce club, tu as les Alouettes, tu as le CF Montréal, tu as la Ligue junior du Québec, mais à part de ça, c'est très limité pour tes athlètes olympiques. Mais si tu avais d'autres équipes, ça aurait probablement plus ouvert. Ou bien c'est parce que c'est tellement nouveau que les jeunes ne se sont pas ralliés à ça. C'est un peu drôle. La psychologie du sport a débuté aux États-Unis dans les années 50. OK. Et en fait, c'est pour aider les athlètes à bien performer, puis le travail d'équipe, tout ça, ce qu'on peut faire. Mais non, il y en a de plus en plus. Mais il OK. y en a beaucoup aussi qui restent au niveau académique dans les universités. Après avoir fait un doctorat, très souvent, il y a des gens qui vont avoir un poste qui leur est offert pour enseigner dans les universités. Donc, on les voit moins présents dans la population générale. Toi, c'est-tu parce que tu avais vu ça, parce que tu étais un amateur de sport au départ, ou pourquoi tu Donc, t'es enligné plus dans la psychologie du sport ouais, que d'études? ma première formation d'année, moi, C'était au niveau de la biomécanique. OK. Et j'ai fait ça aux États-Unis. Pour ça, j'ai fait un bac en éducation physique à l'Université McGill. Okay. Par la suite, j'ai inventé des logiciels d'analyse de la biomécanique au niveau de la posture. Puis je me suis retrouvé à travailler avec plusieurs équipes d'équipes de sport. Et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Dr. Christina Varsovi, qui était en psychologie du sport à l'époque. Puis moi, quand je voyais souvent des athlètes et que je leur parlais des problèmes mécaniques qui leur amenaient des blessures, il y avait une grande partie là-dedans qui était autant au niveau psychologique de est-ce que je vais essayer de continuer ma carrière, est-ce que ça va se terminer comme ça? Puis je sentais que je pouvais les aider plus si j'avais une meilleure connaissance de la psychologie. Fait que je suis retourné faire une maîtrise en psychologie du sport. Okay. Et puis un docteur en psychologie du sport. Okay. Les de Toronto. On a fait un grand sujet. Les livres de Toronto. Comment se fait-il qu'année après année, puis c'est pour ça que je voulais t'appeler hier, qu'on a fait hier, les livres de Toronto, ils ont une réputation de loser. Moi, ça m'embête beaucoup parce que, écoute, depuis 1967, ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Ils n'ont pas franchi la première ronde. Pourtant, il y avait d'excellents joueurs. Comment se fait-il qu'ils ont cette réputation-là? C'est pas les mêmes joueurs qu'il y a 20 ans. C'est pas la même organisation qu'il y a 20 ans. Comment se fait-il? C'est quoi le... Ben, comme dans n'importe quoi dans la vie, on a un brand. On a un storytelling. On a une histoire qui nous colle à la peau. Le Canadien de Montréal n'a pas gagné depuis 1993 et pourtant, on va parler d'eux comme une équipe exceptionnelle parce qu'ils ont gagné 24 Coupes Stanley. Donc, ce qu'ils ont eu comme réputation dans le passé va les précéder et les suivre toute leur vie. Donc, c'est comme ça qu'on les identifie. Les livres, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on a une identité qui nous est collée à la peau, pour changer cette identité-là, ben, il faut avoir des succès. Donc, malheureusement, quand les succès ne sont pas au rendez-vous, ben, on finit par avoir une identité qui est négative, même si l'équipe est très, très bonne, même si elle a connu beaucoup de succès. On a l'identité qui nous est donnée à partir des résultats qu'on a. OK. Mais est-ce que le fait de jouer à Toronto, devant des médias, de gros médias, le fait de les Cubs de Chicago, c'est la même affaire, les Red Sox de Boston. Tu sais, les Red Sox, il y avait la malédiction de Bambino, de Babe Ruth. Est-ce que le fait de jouer à Boston, Chicago ou et Toronto, ça rend encore la situation pire que jouer à Calgary ou à Seattle ou à Portland, genre? La situation n'est pas pire, c'est juste qu'elle est plus amplifiée. Donc, c'est le même problème. C'est la même chose, sauf que là, si on se retrouve après une game du Canadien ou de Toronto, vous allez avoir énormément de journalistes parce que c'est notre sport national qu'on s'identifie à ça. Si on va dans d'autres marchés, ben, il y a moins de gens. Donc, il y a moins de bruit qui se fait. Ouais. La réputation, le problème demeure le même. Le problème demeure dans l'identité même de l'équipe. Ben, ils portent ce fardeau-là. La seule façon de s'en sortir, c'est de se mettre à gagner puis de démontrer que cette organisation-là sont capables de gagner et de gagner surtout dans des moments difficiles. Ça n'arrivera pas, là, OK? Ça n'arrivera pas, mais moi, je me disais, est-ce que d'aller chercher un gagnant comme Patrick Roy, aller chercher un Tom Brady, ben là, un Tom Brady, tu sais, quelqu'un là, qui a déjà gagné, ça n'arrivera pas parce que je ne vois pas Patrick Roy à Toronto, là, mais tu sais, est-ce que ça l'aide? C'est certain que lorsqu'on amène des gens qui ont déjà vécu des victoires, des succès, ben, ces gens-là savent qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Ils l'ont déjà fait. Donc, c'est comme si on demandait à quelqu'un de nous enseigner quelque chose qui ne l'a jamais fait. C'est difficile. Mais quelqu'un qui a passé à travers, il peut transmettre plus facilement ses connaissances, ce qu'il a vécu. Et ça va accélérer le niveau d'apprentissage de ceux qui vont collaborer avec cette personne-là ou ce regroupement-là de gens qui ont déjà connu des succès. OK. Est-ce que si Brendan Shanahan t'appelle et te demande pour avoir un conseil, quel conseil tu donnerais à l'organisation des Leafs? En fait, c'est de revoir c'est quoi les Leafs exactement? Qu'est-ce que ça représente cette équipe-là? Parce que c'est vrai que si on regarde de façon individuelle, c'est une équipe qui a énormément de talent. Mais le talent ne suffit jamais. Non. C'est comment on va faire en sorte qu'on va amalgamer tous ces gens-là pour faire une équipe. Une équipe est faite d'individus. Mais si les individus sont plus importants que l'équipe, on n'y arrivera jamais. Mmh. Il faut que chacun soit prêt à laisser son ego à l'extérieur du vestiaire et de s'assurer que la seule question qui se pose lorsqu'il rentre dans le vestiaire, comment moi, je peux être le meilleur coéquipier pour tous ces coéquipiers-là. Okay. Lorsque chaque individu fait ça dans une équipe, ben on se retrouve avec une équipe qui est gagnante et qui a une identité commune. Connaît son rôle, c'est ça. Oui, qui a un sentiment d'appartenance puissant, puis ils ont du plaisir à le faire. Un exemple, en ce moment, le Canadien de Montréal vit un peu ça parce qu'on les voyait probablement être battus par les Leafs. Donc, il y a quand même quelque chose de bon d'être ce qu'on appelle l'underdog, d'être le sous-estimé. Parce que la pression, elle est sur l'autre équipe. En fait, l'autre équipe doit habituellement, selon les statistiques, selon ce que tout le monde a pensé, plusieurs personnes les avaient mis gagnants. Il y en a qui ne les ont pas mis gagnants. Il y en a qui les ont mis gagnants. Puis probablement, si on regardait les paris, là, je ne sais pas ce que ça avait l'air, mais probablement qu'ils étaient favoris. Hein? Puis à partir de là, mais le Canadien de Montréal s'est dit, nous, la seule façon qu'on peut battre cette équipe-là, c'est de jouer en équipe. Et il y a un beau mix dans l'équipe, autant de plus vieux que de plus jeunes. Et c'est ça la transmission de compétences qui s'est faite entre les plus vieux et les plus jeunes. On a vu des joueurs qui, malgré un âge avancé, n'ont pas eu peur de se commettre, d'aller dans le trafic, d'être là soir après soir. Donc, ça donne l'exemple aux plus jeunes que si à 35 ans, on a des joueurs qui jouent de cette façon-là, mais pour les plus jeunes, ça les pousse à dire, si je veux avoir le même genre de carrière que ces gens-là qui ont du succès, je dois faire la même chose. Et c'est pour ça que Dominique a fait confiance à ces joueurs-là, il les a amenés, il a fait confiance autant à des plus vieux qu'à des plus jeunes. Est-ce que Romanov va revenir dans l'alignement? Est-ce qu'il va prendre ce soin-là? Peut-être que oui, là, tu vas juger que ça, c'est le temps. Et c'est pour ça aussi que Marc Bergevin est allé chercher des joueurs d'expérience pour donner des munitions à Dominique de faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. En fait, c'est ce que la recette des Pats. Je ne sais pas si c'est un amateur de la NFL. Un amateur de la NFL, oui. Bill Belichick, c'est ça, en fait. Là. Moi, ce que j'ai toujours su, c'est que Bill Belichick, il ne repêchait pas nécessairement le joueur qui cadrait mieux dans ou le meilleur joueur disponible. Il repêchait selon le moule des Pats et si le joueur allait être capable de s'acclimater au moule des Pats. Et comprendre son rôle. Et quand tu vois ça, c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs, des fois, que tu le mettais, ça arrivait souvent, tu le mettais un chandail des pattes, il devenait des vedettes, il allait ailleurs, puis ça faisait patate. C'est un peu ça, là. Oui, probablement que c'était la même chose à l'époque du Canadien, lorsqu'il y avait une dynastie. C'était la même chose avec les Oilers pendant un certain temps, la même chose avec les Islanders. C'est quand une équipe se met à gagner, puis avoir du succès, bien, ils ont du plaisir. Quand ils ont du plaisir, ils sont plus heureux. Quand ils sont plus heureux, bien, ils performent mieux. Ils connaissent leur rôle aussi. Leur rôle, c'est important. Et chacun se sent important. À l'intérieur d'une équipe, tout le monde a un accomplissement qu'on va avoir, c'est d'être champion. Et pour que je sois champion, individuellement, il faut que je sente que moi, je contribue et que je suis important dans l'équipe. Plus on me fait sentir ça, plus je vais me donner pour cette équipe-là qui me respecte, puis en retour, je respecte mon équipe, puis je vais donner le maximum. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment avec le Canadien. Puis Dominique Ducharme, c'est quelqu'un qui semble bien communiquer avec les joueurs, qui semble faire un bon travail, justement, pour leur faire sentir qu'ils sont importants, fait que ça donne ce genre de rendement-là. Est-ce que on a la même chose avec les Leafs? Je ne le sais pas. Je ne suis pas à l'interne. Avec... Je ne l'ai pas vécu. Mais quand j'ai vu Marc Bergevin arriver à la fin, aller voir Carey Price, je me dis, ça fait depuis 2012 qu'il travaille fort pour se rendre le plus loin possible. C'était une marque de reconnaissance très grande de la part de Marc d'aller dire à ses joueurs puis à lui aussi Hein, puis il a pris dans le cou, là, on le voit bien le geste. Ça veut dire merci, tu sais, c'est une reconnaissance. Et l'inverse est aussi vrai. Là. Effectivement. Tu as vu, je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, là, mais moi, ça m'a frappé beaucoup, beaucoup. Lorsqu'ils se sont donné la main à la fin, Carey Price est allé directement voir. Et les coachs pour serrer la main aux coachs. Puis ça voulait dire ben merci, vous avez fait votre job. Puis il l'a fait avant de le faire avec l'équipe adverse. C'était comme un moment fort que j'ai senti que c'est pour ça qu'il gueule bien en ce moment. Il doit se sentir extrêmement appuyé, sentir que les instructeurs sont derrière lui. Puis il n'a pas agi en très grand leader lorsque ça allait un peu moins bien. Il n'a jamais blâmé ses joueurs devant lui. Il a dit non, ces joueurs-là, c'est parfait ce qu'ils font. Donc, quand ton meilleur joueur te dit ce que tu fais, c'est bien, ben, ça crée un sentiment d'appartenance ensemble beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. OK. Ben, Sylvain Guimond, très intéressant. Au plaisir de se parler. Puis merci beaucoup encore une fois d'avoir repris l'entrevue. C'était très, très apprécié. Ça fait plaisir. Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport, qui nous expliquait les déboires des livres de Toronto.